Un dernier mot sur Adil Sharkawi, peut-être, qui n'arrête pas de parler d'islamophobie, islamophobie. Quel terme galvaudé que l'islamophobie, quand on y pense? L'islamophobie, c'est l'habit qu'on duquel on l'on dépose à partir de notre tête, pour les femmes, jusqu'aux pieds, dès qu'on critique l'intégrisme religieux. Il faut le savoir maintenant. C'est une astuce. C'est une façon de nous faire fermer la bouche. C'est exactement pour nous faire taire et pour nous renvoyer. Et c'est comme si vous dites, à quelqu'un qui est noir. Vous dites à quelqu'un qui est noir, oui, t'es un imbécile. Et il dit t'es raciste. Hein? C'est pas parce qu'il y a des noirs, imbéciles et il y a des blancs imbéciles. Oui, vous avez raison. Puis je donne un autre exemple, Madame Bombardier. L'intégrisme religieux, c'est l'intégrisme religieux. Oui, voilà. André Boisclair, à un moment donné, était très, très critiqué lorsqu'il était chef du PQ et il avait dit, c'est de l'homophobie. C'était pas ça du tout. Voilà. Et ou alors, vous dites à une femme qui est incompétente, t'es une incompétente. Hein? L'homme va dire, t'es une incompétente. Elle va dire, sexiste. T'es anti-féministe. C'est ça. Hein, t'es contre les femmes. Exact. Alors, tout ce réflexe-là, c'est toujours le réflexe de gens qui essaient de nous manipuler. Très bien dit. Merci beaucoup, Mme Bombardier. Ça a été un plaisir.